C'est pas facile de le dessus, quoi. Je vais le note. D'accord, mais justement, comme tu te forces à faire bien, ouais, tu vas dépasser l'espoir. Tu as bien mis les notes, bien les notes, peut-être. Bien, tu as fait des délires. Tu l'as pas enregistré, ce truc-là? Les trucs d'avant, je sais pas. Tu l'as enregistré, toi? Tous les trucs, tu les as enregistrés toute la soirée?